Chapitre 5e. Madame de la Guette, ne voulant pas reprendre les habits de femme, se logea dans une hôtellerie des faubourgs afin d'y vivre incognito. Elle envoya quérir un carrosse de louage et se mit à la recherche de son mari. Son déplaisir fut grand lorsqu'elle apprit que Monsieur le Prince, le comte de Marsin, la duchesse de Longueville et leur suite fuyaient vers le midi de la France. La rébellion se réfugiait en Guyenne, tandis que la cour entrait au Louvre. Jacqueline, sans perdre courage, s'apprêtait à courir les risques du voyage. Et elle fut partie à l'instant même, si la blessure de son valet ne l'eût obligée à un retard. L'aventure du four à chaud et la fausse alarme donnée au duc de Lorraine avaient eu de l'éclat. La reine-mère elle-même se fit raconter cette histoire dans sa ruelle. On donna beaucoup d'éloges à la dame inconnue qui avait si bien servi le roi et M. de Turenne. On voulait savoir qui elle était, et comme la vie de Madame de la Guette avait déjà servi de texte à plus d'un roman, il se trouva par hasard un gentilhomme qui la reconnut au portrait qu'on en faisait. On comptait alors en France plusieurs femmes vaillantes, mais on n'en savait que deux qui fussent proches de Paris. L'une était la dame de Saint-Balmont, qu'on appelait le dragon de la Champagne, et l'autre était notre héroïne. Un matin, Madame de la Guette, en traversant à cheval le quartier du Marais, tomba au milieu de la place royale sans se douter que ce fût la promenade à la mode. Des gens de la cour qui passaient l'abordèrent le chapeau à la main, et lui ayant demandé son nom, la prièrent de les accompagner jusque chez la reine. On l'amena au palais royal où demeurait Anne d'Autriche. Sa majesté embrassa la belle Amazone, la caressa beaucoup, lui donna les louanges qu'elle méritait pour avoir servi le roi utilement, et lui promit qu'on la récompenserait lorsque les troubles seraient finis. Jacqueline parla de son envie de ramener le prince de Condé dans la bonne voie et demanda la grâce de M. de la Guette qui lui fut accordée d'avance. « Par ma foi, dit la reine, si nous avions tout autant de cœur que cette gentille guerrière, les séditieux ne nous résisteraient pas. Pour l'honneur de notre sexe, il faut que nous l'aidions dans ses projets. » Et se tournant vers sa suite, elle ajouta « Messieurs, lequel de vous veut se charger d'accompagner Madame de la Guette jusqu'au terme de son voyage ?» Un gentilhomme, qu'on nommait Saint-Olive, répondit qu'il le ferait volontiers. La reine lui donna les papiers nécessaires pour avoir la protection des gens du roi pendant le chemin, et il fut convenu qu'on partirait dans 8 jours. Cette entrée à la cour pouvait compter comme un succès. Madame de la Guette reçut des visites à son hôtellerie. On parlait d'elle en bon lieu, et ceux qui ne l'avaient pas vue n'étaient pas à la mode. Elle retourna plusieurs fois chez la reine. On la mena au spectacle, et on lui fit toutes les chairs du monde, en sorte qu'elle passa une semaine à se divertir avant que d'entreprendre son grand voyage. Cependant, elle apprit une nouvelle qui gâta fort ses amusements. Une jeune dame qui avait trempé dans la sédition fut reçue en grâce par la reine un soir que Jacqueline faisait sa cour. Monsieur de Guitaut, capitaine des gardes, qui avait l'esprit méchant, dit tout bas à Madame de la Guette « Vous voyez bien cette jolie personne. C'est à vous qu'elle devrait demander pardon et faire ses humbles soumissions, car elle a plus fondé sur vos biens que sur ceux du roi. »« Comment l'entendez-vous ? » demanda notre héroïne. Le capitaine se laissa un peu prier et finit par raconter que pendant le siège de Paris, on avait jasé sur cette dame et sur Monsieur de la Guette. « Voilà ce que c'est, ajouta Guitaut, que de courir les chemins chacun de son côté. » Jacqueline feignit de prendre la chose en riant, mais l'humeur colérique qu'elle tenait du vieux Meurdrac lui mit le feu dans le sang. Guitaut s'en aperçut. « Il ne faut pas vous agiter pour si peu, lui dit-il. Ce n'était qu'une galanterie en l'air. La dame a maintenant pour serviteur ce jeune homme qui est auprès d'elle. Il se nomme Davogour et c'est son cousin. » Outre la rudesse naturelle d'une femme vaillante, Jacqueline avait encore celle d'une campagnarde. Elle entendait mal les manèges et le savoir-vivre des gens de cour. L'impatience la prenant, elle s'approcha de la dame. « Vous maniez fort bien l'éventail, » lui dit-elle à brûle-pourpoint. « Savez-vous aussi bien tenir une épée ?»« Non, » répondit la dame. « Je vous laisse les ustensiles de guerre et ne me pique pas d'être amazone. »« J'en suis fâchée, car je vous aurais proposé de nous couper la gorge ensemble. » « Vous me faites trop d'honneur. Excusez-moi si je n'accepte pas la partie. J'ai peur des armes, et je n'ai pas envie d'être estropié. » Quand on a peur des armes, on ne doit pas chasser sur les terres des femmes comme moi. Puisque vous avez eu affaire à mon mari, il faut, s'il vous plaît, que nous ayons à démêler ensemble. On chasse où l'on peut, madame. Et si votre mari fait l'empresser ailleurs que chez lui, c'est apparemment que sa femme ne lui plaît guère. Il faut donc avoir vos démêlés avec lui, et non pas avec moi. La reine entendit qu'on se querellait, et demanda ce que c'était. « Votre Majesté, dit Jacqueline, devra mettre à la Bastille ces caillettes qui excitent ses sujets à la révolte et qui nous débauchent encore nos maris. Si j'étais la mère du roi, je les enverrais aux filles repenties au lieu de leur donner l'embrassade. » La reine était disposée à rire. Elle prit gaiement cette incartade et voulut qu'on se raccommodât. Mais Madame de la Guette n'était pas facile à mener. « Je veux bien, dit-elle, laisser la vie à cette poltronne. » Cependant, il me faut une vengeance, et je la tirerai de son cousin. Monsieur Davaugour se battra demain avec moi. Impossible, s'écria Davaugour. Je ne tuerai pas une femme aussi aimable. Vous êtes trop fine lame pour ma cousine, mais pour moi, vous ne l'êtes pas assez. C'est ce que nous verrons à l'épreuve. Je supplie Sa Majesté de permettre que nous tirions l'épée. Monsieur de Guitaut était ravi du courage de Jacqueline. Il s'offrait à lui servir de second. Tous les assistants se mouraient d'envie de voir un duel aussi bizarre, et la reine elle-même en eut peut-être la curiosité. Heureusement, Anne d'Autriche avait trop de sens et de dévotion pour risquer la vie de deux personnes sur une fantaisie. Elle cessa de badiner, et sermonna si bien Madame de la Guette que l'accommodement eut lieu. Afin que le divertissement du combat ne fût point perdu, Guitaut proposa pour le lendemain une joute au fleuret. Notre héroïne y consentit, et comme elle donna la première botte à M. Davaugour, elle fut beaucoup applaudie. On prit ensuite la collation dans le jardin du Val-de-Grâce. Jacqueline se vit fêtée par tout le monde. Elle apprit alors le nom de la dame qu'elle avait provoquée. C'était une des premières de la cour, et qui, depuis, eut de la bonté pour elle et s'employa en faveur de ses enfants. Cependant, la semaine consacrée au repos étant écoulée, on se dit adieu. Jacqueline partit en carrosse pour gagner Bordeaux. Monsieur de Sainte-Olive la mena sans mauvaise rencontre jusqu'à Angoulême. On entra ensuite dans un pays désolé par la guerre civile, où l'on ne savait plus en quelles mains on pouvait tomber. Après avoir traversé par des villages fort ravagés, on arriva devant la Tour Blanche, qui tenait pour Monsieur le Prince. Tandis que Jacqueline attendait sous la poterne, Sainte-Olive fut conduit par quatre hommes au gouverneur de la citadelle. Cet officier connaissait M. de la Guette. Il vint en personne chercher la voyageuse et la fit monter chez lui. Il apprit à notre héroïne que son mari devait être à une journée de marche de la Tour Blanche avec le régiment de Marsin. Mais il ne voulut pas souffrir qu'elle allât plus loin sans faire un repas, car les vivres étaient si rares qu'elle risquait d'en manquer en route. Le gouverneur, qui s'appelait La Roche-Vernay, promit de conduire lui-même Mme de la Guette à son mari. Jacqueline remercia Sainte-Olive et lui conseilla de retourner à Angoulême, ce qu'il fit sans difficulté, car il regardait sa commission comme achevée. En cela, ils furent imprudents, tous deux. On ne sait jamais bien ce qui peut advenir d'une femme une fois qu'on la quitte d'une semelle seulement. La guerre de la Fronde n'était pas fort meurtrière. Il y avait plus de pillages et d'escarmouches que de véritables batailles. On s'interrompait quelquefois pour se donner les violons, et l'amour allait son train ordinaire. Beaucoup de dames suivaient les gens des deux parties. Celles de la province feignaient de se passionner pour la politique, afin d'avoir aussi leur part des divertissements. Monsieur de La Roche-Vernay était un homme à succès, et donnait encore plus dans la galanterie que dans la rébellion. Cependant, ce qui prévint Madame de la Guette en sa faveur, c'est qu'il portait bien la moustache, et qu'il avait la mine d'un franc guerrier. Comme il admirait aussi l'air martial de notre héroïne, ils se prirent d'amitié l'un pour l'autre. Au lieu de se remettre en chemin tout de suite, Jacqueline consentit à visiter les dames de la ville. On fit une partie de plaisir dans un beau jardin où l'on pêcha des carpes. On soupa du poisson qu'on avait pris, et la nuit se trouva venue sans qu'on y eût pensé. Notre Amazone amusa la compagnie en racontant sa querelle et son combat au fleuret avec M. Davaugour. Vous n'êtes pas au bout de vos duels, dit M. de la Roche-Vernay. Il paraît que votre mari est fort porté pour le beau sexe. Ce mot suffit pour jeter du trouble dans l'esprit de Madame de la Guette. Elle devint rêveuse et ne trouva plus à rire de la soirée. Lorsqu'on fut de retour au château, Jacqueline pressa le gouverneur de s'expliquer. « Volontiers, répondit-il. Votre mari est accompagné d'une demoiselle de ce pays qui le suit partout, et votre arrivée va un peu troubler ses plaisirs. » Monsieur de la Roche-Vernay, voyant que notre amazone, déjà rouge de colère, parlait de donner de sa cravache dans la figure de ces demoiselles, lui conseilla d'abord de ramener son mari par la douceur et de pardonner une faute dont l'absence était la véritable cause. Mais le dépit allait toujours croissant. La beauté de Jacqueline n'était jamais si remarquable que dans ses transports de passion. Le gouverneur finit par en être frappé. Quoique la dame fût confiée à sa garde, il la jugeait de taille à savoir se garder elle-même. Au lieu de calmer Madame de la Guette, il changea de langage et tâcha de l'exciter à la vengeance. Il se mesurait avec une vertu de bon aloi. Aussitôt qu'il se risqua jusqu'à mettre le genou en terre et à faire l'amoureux, Jacqueline le soupçonna d'avoir calomnié son mari. Elle prit tout uniment un pistolet et, le posant sur la poitrine du galant, elle lui dit d'un air résolu « Vous me trompez, monsieur, et vous m'allez avouer votre fourberie, ou bien je vous jure que je vous tue sur la place. » Monsieur de la Roche-Vernay fut un peu étourdi par cette brusquerie et ce canon de pistolet. Cependant, il avait du courage, et il était fort de son innocence. Il se remit et répondit en découvrant sa poitrine « Tuez-moi donc, madame, pour avoir pris trop d'intérêt à votre infortune. Si mon cœur s'est ému, c'est la pitié qui a ouvert le chemin à l'amour. Et puisque vous me regardez comme un imposteur, le déplaisir que j'en ressens est pire que la mort. Je vais mourir satisfait, en pensant au regret que vous aurez demain. » Madame de la Guette détourna son arme, mais sa colère ne fut pas plutôt envolée que son rôle devint embarrassant. Elle avait outragé M. de la Roche-Vernay par ses soupçons. Les femmes peuvent être injustes pour un mari ou un amant. Cela ne leur coûte pas beaucoup, et il n'est point de dette qu'elles ne puissent nier à celui qui les aime. Mais à l'égard d'un homme qui ne leur fut jamais rien, il n'y a pas de tribunal plus équitable que leur cœur, ni de débiteur plus exact à payer. Dès ce moment, le jeune cavalier eut affaire à la générosité de notre héroïne. C'est la position la meilleure que doivent souhaiter un amoureux. « Madame, disait-il, je vous pardonne de m'avoir accusé de perfidie. Ce n'est pas cette injure qui me touche le plus cruellement. C'est plutôt le malheur d'avoir rencontré une personne aussi aimable que vous, et de n'avoir su que lui déplaire. » Jacqueline pleura, et son courage s'amollit. Monsieur de la Roche-Vernay paraissait désespéré de ses larmes. On lui devait une réparation, et il l'obtint. « Voilà, comme le démontent plus habilement les femmes par les bons sentiments que par les mauvais. »